Alcoolémie, c'est le taux d'alcool dans le sang. Ce taux varie en tout premier lieu en fonction du nombre de verres absorbés. Interviennent ensuite la corpulence de l'individu, son sexe, son âge. L'alcoolémie s'exprime en grammes d'alcool par litre de sang. Si l'alcoolisation se fait à jeun, la diffusion dans le sang se fait 15 à 30 minutes après absorption. Si l'alcoolisation a lieu pendant un repas, la diffusion dans le sang se fait 1 à 2 heures après absorption. Donc le pic d'alcoolémie est atteint plus rapidement quand le consommateur est à jeun. Réponse A.